on a fait des exploits que personne n'a vu. Mais bon, ta femme, tu crois, ah, t'en fais des excès chez toi. Personne n'a su, mais bon, ta femme, tu vois. Ta femme te voit, ta femme te voit. Je te sais sans gain. Je prendrai mon courage demain après demain pour te dire je connais ton point faible. Tu m'as mis ton point fort. Je connais ton point faible. Tu en as fait des exploits. Personne n'a vu, mais bon, ta femme, tu crois, ah, t'en fais des excès chez toi. Personne n'a su, mais bon, ta femme te voit. Ta femme te voit, ta femme te voit. Tu te sabordes, prends l'eau. Chez toi.